Bienvenue sur Radio Gamozo, ravi de vous retrouver dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je continue de décrypter les expressions qu'on utilise et les questions qu'on se pose dans nos têtes et toujours dans la bonne humeur, bien sûr. Drôle d'expression et questions délirantes, épisode 22, c'est maintenant. Tout de suite, une expression. Rouler des mécaniques. Faire l'important, crâner. En argot, rouler signifie trop en faire, exagérer. Les mécaniques représentent quant à elles les épaules. Rouler des mécaniques, c'est prendre une attitude avantageuse, faire le fier à bras. L'expression date des années 1950, ou époque où la mécanique, particulièrement dans le domaine de l'automobile, est très, très valorisée. Je cite, « Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ? Ça m'amuse de constater que vous aviez trouvé un adversaire à votre taille. » Et non, malheureusement. Elle roulait des mécaniques et prenait des poses de femme fatale alors que c'était une grande tendre. Anne Gavalda, tirée du livre « Je l'aimais, j'ai lu », sorti en 2004. Il est courant de faire l'analogie entre les articulations du corps et celles des machines. C'est justement à partir des années 1950 que sont développées les techniques chirurgicales modernes, notamment celles des prothèses articulaires. La prothèse totale de hanche, appelé PTH, est emblématique de l'évolution dans ce domaine. Il a cependant fallu de nombreuses années de tâtonnement pour que des modèles durables soient mis au point. La plus grande difficulté venait de l'usure des matériaux employés au début. Maintenant que la céramique quasiment inusable assure une longévité de plusieurs dizaines d'années aux prothèses de hanche. La complexité du genou a rendu plus difficile la conception des prothèses totales pour cette articulation. Quant à l'épaule, ce sont les contraintes chirurgicales qui ont en retardé la réalisation. Actuellement en France, on réalise chaque année près de 150 000 prothèses de hanches, 75 000 de genoux et 8 000 prothèses d'épaule. Il est possible maintenant de rouler des épaules mécaniques. C'est le moment de la question délirante. Qui fixe les dates limites de consommation ? Pour répondre directement à cette question, ce sont les fabricants des produits qui fixent les dates limites de consommation. Je pourrais en rester là, mais tout ça mérite quand même un peu plus de détails. Il faut d'abord différencier la date limite de conservation, en abrégé DLC, et la date limite d'utilisation optimale, DLUO. La première date de péremption d'un produit précédée de la mention à consommer avant le, il y a une date qui s'affiche, il y a la date qui s'affiche sur le produit, et la seconde est plutôt une date de durabilité minimale du produit avec cette fois-ci la mention à consommer avant et la date inscrite dans le produit, qui indique que passé cette date, l'aliment peut perdre en qualité nutritionnelle. Par exemple, un jus d'orange aurait moins de vitamines après la date optimale de consommation. Certains aliments sont plus à risque que d'autres. La viande, le poisson cru, les fruits de mer, la charcuterie et les produits laitiers sont à consommer rapidement. Si vous aviez tout suivi, les intoxications alimentaires ne passeront plus par votre frigo. Mais de rien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les expressions et les questions délirantes sur Radio Gamozo. Passez une très belle journée sur nos antennes. Bye bye.